berger. Il faut que je me repose. Aussi ne m'en veux pas pour les questions que je te pose. T'es loin de tout ça, je sais, tu comprends pas. J'ai trop galéré, il faut que tu me reposes. Je te demanderai plus rien, ou si peut-être une seule chose. Regarde-moi bien, ne complique rien, ça ira bien. Qu'on t'aime pour ton corps, tes yeux, toi, oh ça te suffit bien. Tu ne parles pas d'amour, d'avenir, tu t'en moques bien. C'est pas facile de te comprendre quand tu décroches. Dès que tu donnes, tu reprends, je fouille mes poches. Je compte et recompte mes mots, mes gestes. T'as pas peur des autres, t'as peur de toi, mais qu'est-ce que tu crois? Que les gens pardonnent et puis qu'ils oublient. Oh, compte pas sur moi. Tes yeux se baissent, ton corps m'échappe et tu dis pas à pourquoi. Et tu répètes sans cesse, tu triches. T'es un mauvais joueur, t'as les mains glacées. T'es fatigué, tu triches. T'es un mauvais joueur, je suis venu pour gagner. Je peux pas t'épargner, tu triches. T'es un mauvais joueur, t'as les mains glacées. T'es fatigué, tu triches. T'es un mauvais joueur, je suis venu pour gagner. Je peux pas t'épargner, t'épargner. T'épargner, je peux pas t'épargner. Le bruit de tes silences, quand tu cherches une mouche dans l'ombre au plafond. Tes yeux qui s'agrandissent immenses, oh quand tu t'évades. Le chat et la souris, pas vu, pas pris, et puis je m'en fous. Moi je reste dehors, ça va pas bien fort, et tu t'en fous. Dans ma main tendue, tes doigts crispés, le feu et la glace. Tu joues les grandes, mais t'es qu'une gosse, et moi je m'accroche. Tes yeux se baissent, ton corps m'échappe, et tu dis pas à pourquoi. Et tu répètes sans cesse, tu triches. T'es un mauvais joueur, t'as les mains glacées. T'es fatigué, tu triches. T'es un mauvais joueur, je suis venu pour gagner. Je peux pas t'épargner, tu triches. T'es un mauvais joueur, t'as les mains glacées. T'es fatigué, tu triches. T'es un mauvais joueur, je suis venu pour gagner. Je peux pas t'épargner. Diable s'étire quand tu te cambres.